malgré moi, vers mon rêve m'entraîne. Enchantement d'un beau soir d'été, oh doux espoir, oh volupté, pour un regard que tu m'as jeté en ton pouvoir, je suis resté. Que veux-tu de moi, te venger un jour, ou bravant ta loi, m'offrir ton amour? Déjà, sans que je te maudisse, mon cœur se livre à ton caprice, mais je brave celle qui me prend pour esclave ou bien pour amant.